murs comme Régis et Momo. T'es à l'époque, on fait l'eau sur le dos, j'ai qu'un sac à dos. J'ai gardé le même rythme, le même rire, pas de message crypté. J'ai pas gardé l'être en moi hypocrite. Je l'ai fait souffrir jusqu'à mourir. Tu peux pas tester MC sur ton style, j'urine. Fabs, original, usina, rime. Au premier rang de production mondiale, pas de détails, je lâche à la tonne pour briller comme du chrome. Pour la daronne, je rêve d'une villa en dom-tom. Pour les MC, je suis trop rapide, ils s'auto-suicident. Mon envie de la réussite suscite une réflexion, je me confectionne. Pour mon quartier, c'est la révolution, pour l'évolution. En tête, je n'ai que des idées concrètes qui me poussent à la conquête. Ça rend un conquérant sur le champ du RAP errant. Entre les cadavres de rappeurs sans style, j'entaille à l'agonie, je te mets le dernier coup d'épée final. Sans injection nasale, pénale, chaque phrase, je me surpasse, je bosse, besoin d'aucune dose. Mes textes sont appréciés des bons et sales gosses, des bonnes et sales grosses. Je vois le top serve du bloc, j'ai le style d'une lotus avec finition parfaite. Mon style devient obèse, il prend du poids, toujours il t'obsède, toujours obscène. Pourtant, ici c'est pas les autres scènes, je mets les faux rappeurs à l'amende. Un rapport de plus sur leur main courante, Fab leur donne la courante. Style mimique, fais trop de mimiques, trop de miniques, moi je te nique, sauf my dick, biatch on the beach. Fabs, l'original, y'a pas de prototype. J'ai mon propre style, mon propre type, ma propre rime. Dis-moi, tu veux pleurer ou tu veux rire? Ton style MC n'est pas gros, n'est pas crade, n'est pas grain. Il arrive à peine à la hauteur de notre queue quand on bande. C'est la fin pour toi, tu commences à décéder. Mon avenir est en train de se dessiner. Céder après céder, je lâche rien, rien de rien. Pas prêt de céder, frère, t'as senti le progrès. J'ai des projets, toujours dans le flow, jamais hors piste. Avec le petit frère, c'est autoproduit. Autonome pour les grands et les mômes. J'actionne le levier, on part rapide comme un lévrier. Briller, sans partir en briller. Frère, la cloche a sonné ding dong. Imposant comme King Kong, on écrase quiconque qui s'impose, s'oppose. On se pose et on s'impose. On me dit Fabs, ton RAP n'est pas PE2RAV. Il honore tout âge, tout rage, comme Doudou. On a la rage, barge, de squatter la marge. Un seul rêve, grimper la plus haute marche. En courant ou à la marche. Chez moi, le rap se démarque, et y'a pas que moi qui le marque. On part fou au contact, c'est du full contact. Et ouais, madame, je suis trop nerveux, un peu schizophrène. Les MC freinent, mais qu'est-ce qu'ils leur prennent? Ils me font de la peine. Mes rimes se dessinent avec le RAP, je suis l'artiste de peintre. La vie est dure, mais pas question de se plaindre. Si tu portes plainte, on te fera manger les plaintes de ton T3. T'as pas entendu, petit frère? Il t'a dit T3. MC Tocard, chaque lyrics, tu manges des cocards. Retourne sur ton whisky coca. Le quartier, c'est la tribu, ici aussi y'a des rites. Je vois que ma voix t'irrite, tu prends de l'âge, mais je mets pas d'antiride. Je suis ce petit blanc bec qui représente ces photos d'Afrique qui veulent du fric, mais avant qui veulent vivre, vivre avec un peu de fric. Et digne de cette liberté, toujours emmerdé par un flic et les fachos. FAB, je viens de poser mon RAP sans déraper, v'là ma thérapie. MC, j'espère que thérapie flow te séduper avant de les poser, mes couilles, je les ai pesées. FAB, je viens de poser mon RAP sans déraper, v'là ma thérapie. MC, j'espère que thérapie flow te séduper avant de les poser, mes couilles, je les ai pesées.